Exercice 3, page 47. A. Chanter. B. Répéter. C. Réviser. D. Neiger. E. Sérieux. F. Mathieu. G. Voleuse. H. Malheureux. I. Généreux. J. Déjeuner.